Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Comme maman. Hello, hello, la planète RPL, c'est Kimbo de Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL, en écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, en DAB+ si vous êtes équipé, et directement sur le site de la radio, je vous donne l'adresse, c'est le www.rpl.radio. Auparavant, c'était Tonton Jay, son émission Back to the House, et avant lui, c'était So King avec So Disco Jacking. Nous sommes partis pour 2 heures de mix. Bon, on va être moins violent que la semaine dernière. Je vous remercie pour vos commentaires. Oui, c'était bûchette sur bûchette. J'avais envie de me faire plaisir. On va rester dans une ambiance tech house pour ces 2 heures. Donc, si t'es au boulot, ben, on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique.

DL Radio. Thank you. On vous aime sur les ondes d'RPL. replay sur le www.fréquenceclub.com. France Club sur RPL, c'est la base, mec. heure de Fréquence Club s'achève. Ne vous inquiétez pas, on va revenir pour une deuxième heure de Tech House. A tout de suite. vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.